rêver de ce pays lointain que j'ai réinventé, ses bruits et ses parfums. Les rythmes d'aujourd'hui mêlés au son d'hier, scandent ma nostalgie, réchauffe mon hiver. Parfois il volcan et parfois il fleur. J'en connais les beautés, j'en connais les douleurs. Des contes oubliés naissent du souvenir. Entre les pleurs, on se prend. Et la voix douce amère, la voix de l'orphelin, redit les mots qui ont fait. Nous j'ai marché en tous côtés, ni longtemps nous qu'à voyager. Depuis tant nous qu'à triver, actuellement nous la nous rivez. Jeudi jour nous que j'en mets loin, nous j'accorde tout pays. Chanson qu'a dit, mon pas mon autre bon, c'est mon ici. Je suis né loin d'ici, pourtant je suis d'ici. Je reconnais des mots que je n'ai pas appris.